Tu as les accords. Oh, it's a girl I'd stay. Oh, it's too hard. À la basse. Fais-moi ce que tu veux, fais-moi ce que tu veux, je fais un truc à la basse. Thank you. On va essayer ça, Giorgio. Regarde, c'est facile. Écoute, écoute, écoute. Écoute, riff. Ah, excuse-moi, attends, ça fait ça. Écoute.